Chapitre 29e, où il est démontré que l'autopsie du cœur est plus difficile que celle du corps. Le docteur demeura pensif, regardant s'éloigner la reine, puis à lui-même, en secouant la tête. « Il y a dans ce château, murmura-t-il, des mystères qui ne sont pas du ressort de la science. Contre les uns, je m'arme de la lancette et je leur perce la veine pour les guérir. Contre les autres, je m'arme du reproche et leur perce le cœur. Les guérirai-je ?» Puis, comme l'accès était passé, il ferma les yeux de Charny, restés ouverts et hagards, lui rafraîchit les tempes avec de l'eau et du vinaigre, et disposa autour de lui ces soins qui changent l'atmosphère brûlante du malade en un paradis de délices. Alors, ayant vu le calme revenir sur les traits du blessé, remarquant que ses sanglots se changeaient tout doucement en soupirs, que de vagues syllabes s'échappaient de sa bouche au lieu de furieuses paroles, « Oui, oui, il y avait non seulement sympathie mais encore influence, » dit-il. Ce délire s'est élevé comme pour venir au devant de la visite que le malade a reçue. Oui, les atomes humains se déplacent comme dans le règne végétal les poussières fécondantes. Oui, la pensée a des communications invisibles, les cours ont des rapports secrets. Tout à coup, il tressaillit et se retourna à moitié, écoutant la foi de l'oreille et de l'œil. « Voyons, qui est encore là ? » murmura-t-il. En effet, il venait d'entendre comme un murmure et un frôlement de robe à l'extrémité du corridor. « Il est impossible que ce soit la reine, » murmura-t-il. « Elle ne reviendrait pas sur une résolution, probablement invariable. Voyons. » Et il alla doucement ouvrir une autre porte donnant aussi sur le corridor, et avançant la tête sans bruit, il vit à 10 pas de lui une femme vêtue de longs habits aux plis immobiles et pareille à la statue froide et inerte du désespoir. Il faisait nuit. La faible lumière placée dans le corridor ne pouvait l'éclairer d'un bout à l'autre. Mais par une fenêtre passait un rayon de lune qui portait sur elle et qui la faisait visible jusqu'au moment où un nuage passerait entre elle et le rayon. Le docteur rentra doucement, franchit l'espace qui séparait une porte de l'autre, puis, sans bruit, mais rapidement, il ouvrit celle derrière laquelle cette femme était cachée. Elle poussa un cri, étendit les mains et rencontra les mains du docteur Louis. « Qui est là ? » demanda-t-il avec une voix où il y avait plus de pitié que de menace, car il devinait, à l'immobilité même de cette ombre, qu'elle écoutait plus encore avec le cœur qu'avec l'oreille. « Moi, docteur, moi, » répondit une voix douce et triste. Quoique cette voix ne fût pas inconnue au docteur, elle n'éveillait en lui qu'un vague et lointain souvenir. « Moi, André de Tavernet, docteur. »« Ah, mon Dieu, qui est-il ? » s'écria le docteur. « Est-ce qu'elle s'est trouvée mal ? » ?»« Elle ? » s'écria André. « Elle ? Qui donc, elle ?» Le docteur sentit qu'il venait de commettre une imprudence. « Pardon, mais j'ai vu tout à l'heure une femme s'éloigner. Peut-être était-ce vous ?»« Ah oui, » dit André. « Il est venu une femme avant moi ici, n'est-ce pas ?» Et André prononça ces paroles avec une ardente curiosité qui ne laissa aucun doute au docteur sur le sentiment qui les avait dictées. « Ma chère enfant, » dit le docteur, « il me semble que nous jouons aux propos interrompus. De qui me parlez-vous ? Que me voulez-vous ? Expliquez-vous. » « Docteur, » reprit André avec une voix si triste, qu'elle alla jusqu'au fond du cœur de celui qu'elle interrogeait. « Bon docteur, n'essayez pas de me tromper. Vous qui avez pris l'habitude de me dire la vérité, avouez qu'une femme était ici tout à l'heure, avouez-le-moi, aussi bien que je l'ai vue. Et qui vous dit qu'il n'a vu personne ? Oui, mais une femme, docteur. Sans doute une femme, à moins que vous ne comptiez soutenir cette thèse qu'une femme n'est femme que jusqu'à l'âge de 40 ans. « Celle qui est venue avec 40 ans, docteur ?» s'écria André, respirant pour la première fois. « Ah ! Quand je dis 40, je lui fais grâce encore de 5 ou 6 bonnes années. Mais il faut être galant avec ses amis. Et Madame de Misery est de mes amis, et même de mes bonnes amies. Madame de Misery, sans doute. C'est bien elle qui est venue. Et pourquoi diable ne vous le dirais-je pas si c'était une autre ? Oh, c'est que... En vérité, les femmes sont toutes les mêmes, inexplicables. Je croyais cependant vous connaître, vous particulièrement. Eh bien non, je ne vous connais pas plus que les autres, c'est à se damner. Bon et cher docteur, assez, venons en fait. » André le regarda avec inquiétude. « Est-ce qu'elle s'est trouvée plus mal ? » demanda-t-il. « Qui cela ? Par Dieu, la reine ! » !»« La reine ? » !»« Oui, la reine, pour qui Madame de Misery est venue me chercher tout à l'heure. La reine qui a ses suffocations, ses palpitations. Triste maladie, ma chère demoiselle, incurable. Donnez-moi donc de ses nouvelles, si vous êtes venu de sa part, et retournons auprès d'elle. » Et le docteur Louis fit un mouvement qui indiquait son intention de quitter la place où il se trouvait. Mais André l'arrêta doucement et respirant plus à l'aise. « Non, cher docteur, dit-elle, je ne viens point de la part de la reine. J'ignorais même qu'elle fût souffrante. Pauvre reine, si je l'eusse su. Tenez, pardonnez-moi, docteur, mais je ne sais plus ce que je dis. Je le vois bien. Non seulement je ne sais plus ce que je dis, mais ce que je fais. Oh, ce que vous faites, moi, je le sais. Vous vous trouvez mal. » Et en effet, André avait lâché le bras du docteur. Sa main froide retombait tout le long de son corps. Elle s'inclinait, livide et froide. Le docteur la redressa, la ranima, l'encouragea. André fit alors sur elle-même un violent effort. Cette âme vigoureuse qui ne s'était jamais laissée abattre, ni par la douleur physique, ni par la douleur morale, tendit ses ressorts d'acier. « Docteur, dit-elle, vous savez que je suis nerveuse et que l'obscurité me cause d'affreuses terreurs. Je me suis égarée dans l'obscurité, de là l'état étrange où je me trouve. Et pourquoi, diable, vous y exposez-vous à l'obscurité? Qui vous y force? Puisque personne ne vous envoyait ici, puisque rien ne vous y amenait. » Je n'ai pas dit rien, docteur, j'ai dit personne. Ah, des subtilités, ma chère malade. Nous sommes mal ici pour en faire, un noyeur, surtout si vous en avez pour longtemps. 10 minutes, docteur, c'est tout ce que je vous demande. 10 minutes soit, mais pas debout. Mes jambes se refusent positivement à ce mode de dialogue. Allons nous asseoir. Où cela? Sur la banquette du corridor, si vous voulez. Et là, personne ne nous entendra, vous croyez, docteur? Demanda André avec effroi. Personne. Bah, même le blessé qui est là. Continua-t-elle du même ton, en indiquant au docteur cette chambre éclairée par un doux reflet bleuâtre dans laquelle son regard plongeait. Non, dit le docteur, pas même ce pauvre garçon. Et j'ajouterai que si quelqu'un nous entend, à coup sûr, ce ne sera point celui-là. André joignit les mains. Oh mon Dieu! Il est donc bien mal, dit-elle. Le fait est qu'il n'est pas bien. Mais parlons de ce qui vous amène. Vite, mon enfant, vite. Vous savez que la reine m'attend. Eh bien, docteur, dit André en poussant un soupir, nous en parlons, ce me semble. Quoi, monsieur de Charny? C'est de lui qu'il s'agit, docteur, et je venais vous demander de ses nouvelles. Le silence avec lequel le docteur Louis accueillit les paroles auxquelles il devait s'attendre, cependant, fut glacial. En effet, le docteur approchait en ce moment la démarche d'André de la démarche de la reine. Il voyait ces deux femmes mues par un même sentiment, et aux symptômes, il croyait reconnaître que ce sentiment, c'était un violent amour. André, qui ignorait la visite de la reine, et qui ne pouvait lire dans l'esprit du docteur tout ce qu'il y avait de triste bienveillance et de miséricordieuse pitié, prit le silence du docteur pour un blâme, peut-être un peu durement formulé, et elle se redressa comme d'habitude sous cette pression, toute muette qu'elle fût. « Cette démarche, vous pouvez l'excuser, ce me semble, docteur, dit-elle, car M. de Charny est malade d'une blessure reçue dans un duel, et cette blessure, c'est mon frère qui la lui a faite. » « Votre frère ? » s'écria le docteur Louis. « C'est M. Philippe de Tavernay qui a blessé M. de Charny, sans doute. » « Oh, mais j'ignorais cette circonstance. Mais maintenant que vous le savez, ne comprenez-vous pas que je dois m'enquérir de l'état dans lequel il se trouve ?»« Aussi fait, mon enfant, » dit le bon docteur, enchanté de trouver une occasion d'être indulgent. « J'ignorais, moi, je ne pouvais deviner la véritable cause. » Et il appuya sur ces derniers mots de manière à prouver à André qu'il n'adoptait ses conclusions que sous toute réserve. « Voyons, docteur, » dit André en s'appuyant des deux mains au bras de son interlocuteur, en le regardant en face. « Voyons, dites toute votre pensée. Mais je l'ai dite. Pourquoi ferais-je des restrictions mentales? Un duel entre gentilshommes est chose banale. C'est un événement de tous les jours. La seule chose qui pourrait donner de l'importance à ce duel, ce soit le cas où nos deux jeunes gens se seraient battus pour une femme. Pour une femme, docteur? Oui, pour vous, par exemple. Pour moi. » André poussa un profond soupir. Non, docteur, ce n'est pas pour moi que M. de Charny s'est battu. Le docteur eut l'air de se contenter de la réponse, mais, d'une façon ou d'une autre, il voulut avoir l'explication du soupir. Alors, dit-il, je comprends. C'est votre frère qui vous a envoyé pour avoir un bulletin exact de la santé du blessé. Oui, c'est mon frère, oui, docteur, s'écria André. Le docteur la regarda à son tour en face. « Oh, ce que tu as dans le cœur, âme inflexible, je vais bien le savoir, » murmura-t-il. Puis, tout haut. « Eh bien donc, » dit-il, Je vais vous dire toute la vérité comme on la doit à toute personne intéressée à la connaître. Reportez-la à votre frère et qu'il prenne ses arrangements en conséquence. Vous comprenez ? Non, docteur, car je cherche ce que voulait dire par ces mots, qu'il prenne ses arrangements en conséquence. Voici. Un duel, même à présent, n'est pas chose agréable au roi. Le roi ne fait plus observer les édits, c'est vrai. Mais quand un duel a fait scandale, sa majesté bannit ou emprisonne. C'est vrai, docteur. Et quand, par malheur, il a eu mort d'homme, ou alors le roi est impitoyable. Eh bien, conseillez votre cher frère de se mettre à couvert pour un temps donné. Docteur, s'écria André, docteur, monsieur de Charny est donc bien mal. Écoutez, chère demoiselle, je vous ai promis la vérité, la voici. Vous voyez bien ce pauvre garçon qui dort là-bas, ou plutôt qui râle dans cette chambre. Docteur, oui, repartit André d'une voix étranglée. Eh bien, s'il n'est pas sauvé demain à pareille heure, si la fièvre qui vient de naître et qui le dévore n'a pas cessé, monsieur de Charny, demain à pareille heure, sera un homme mort. André sentit qu'elle allait pousser un cri, elle se serra la gorge, elle s'enfonça les ongles dans les chairs pour éteindre dans la douleur physique un peu de cette angoisse qui lui déchirait le cœur. Louis ne put voir sur ses traits l'effrayant ravage que cette lutte avait produit. André se donnait comme une femme spartiate. « Mon frère, dit-elle, ne fuira pas. Il a combattu M. de Charny en homme de cœur. S'il a eu le malheur de le frapper, c'était à son corps défendant. S'il l'a tué, Dieu le jugera. » « Elle n'était pas venue pour son compte, se dit le docteur. C'est donc pour la reine, alors. Voyons si sa majesté a poussé la légèreté jusque-là. « Comment la reine a-t-elle pris ce duel ? » demanda-t-il. « La reine, je ne sais pas, » repartit André. « Qu'importe à la reine. Mais monsieur de Tavernet lui est agréable, je suppose. »« Eh bien, monsieur de Tavernet est sauf. Espérons que sa majesté défendra elle-même mon frère si on l'accusait. » Louis, battu des deux côtés dans sa double hypothèse, abandonna la partie. « Je ne suis pas un physiologiste, dit-il, je ne suis qu'un chirurgien. Pourquoi diable, quand je sais si bien le jeu des muscles et des nerfs, vais-je me mêler du jeu des caprices et des passions des femmes ? Mademoiselle, vous avez appris ce que vous désirez savoir. Faites ou ne faites pas fuir monsieur de Tavernet, cela vous regarde. Quant à moi, mon devoir est d'essayer de sauver le blessé, cette nuit, sans quoi la mort qui continue tranquillement son œuvre me l'enlèverait dans les 24 heures. Adieu. » Et il lui ferma doucement, mais net, la porte sur les talons. André passa une main convulsive sur son front, se mit seul, seul avec cette épouvantable réalité. Il lui sembla que, déjà, la mort, dont venait de parler si froidement le docteur, descendait sur cette chambre et passait en blanc suaire dans le corridor obscur. Le vent de la funèbre apparition glaça ses membres, elle s'enfuit jusqu'à son appartement, s'enferma sous un triple tour de clé et tomba deux genoux sur le tapis de son lit. « Mon Dieu » s'écria-t-elle avec une énergie sauvage, avec des torrents de larmes brûlantes. « Mon Dieu, vous n'êtes pas injuste, vous n'êtes pas insensé, vous n'êtes pas cruel, mon Dieu. Vous pouvez tout. Vous ne laisserez pas mourir ce jeune homme qui n'a pas fait de mal et qui est aimé en ce monde. Mon Dieu, nous autres, pauvres humains, nous ne croyons vraiment qu'au pouvoir de votre bienfaisance, bien qu'en toute occasion, nous tremblions devant le pouvoir de votre colère. Mais moi, moi, qui vous supplie, j'étais assez prouvé en ce monde. J'ai assez souffert sans avoir commis de crime. Eh bien, je ne me suis jamais plainte, même à vous. Je n'ai jamais douté de vous. Si aujourd'hui que je vous prie, si aujourd'hui que je conjure, si aujourd'hui que je demande, que je veux la vie d'un jeune homme, si aujourd'hui vous me refusiez, oh mon Dieu, je dirais que vous aviez abusé contre moi de toutes vos forces, et que vous êtes un dieu de sombre colère, de vengeances inconnues. Je dirais, oh, je blasphème, pardon, je blasphème, et vous ne me frappez pas, pardon, pardon, vous êtes bien le dieu de la clémence et de la miséricorde. » André sentit sa vue s'éteindre, ses muscles pliés. Elle se renversa inanimée, les cheveux épars, et resta comme un cadavre sur le parquet. Lorsqu'elle se réveilla de ce froid sommeil et que tout lui vint à l'esprit, fantôme et douleur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle avec un accent sinistre. « Vous avez été immiséricordieux. Vous m'avez puni. Je l'aime. Oh oui, je l'aime. C'est assez, n'est-ce pas ? Maintenant, me le tuerez-vous ?